podcast France Culture. La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Saison 4. Épisode 1, la télécommande multiverselle. Il y a bien longtemps, en 2022. On prouva l'existence d'une infinité d'univers parallèles. La nouvelle fut accueillie avec méfiance dans la communauté scientifique. Et au-delà. Techniquement, il existe donc au moins un univers où Amazon paie l'impôt sur les sociétés. Oh, mais vous savez très bien que cette hypothèse violerait le principe d'inertie de Newton. Tout corps persiste dans l'état où il se trouve, à moins que quelque force ne le contraigne à en changer. Alors justement, il s'agit d'un univers où la loi empêche les entreprises de recourir à l'optimisation fiscale. Cet argument n'avait pas conquis d'emblée les investisseurs. Aussi, l'industrie tarda à se saisir des débouchés potentiels de cette innovation. En fait, c'était avant tout une question de com. Imaginez un univers où les pizzas ne seraient plus plates, mais sphériques. C'est pas idiot, au moins ça change. Sitôt qu'on eut trouvé le bon storytelling, la télécommande multiverselle fut commercialisée. Bonjour. Une télécommande universelle, s'il vous plaît. Voilà. La télécommande universelle existait déjà depuis fort longtemps. Mais n'était pas destinée au même usage. Ça marche pour la télé et le magnétoscope. Ah bon, mais c'est pas le truc pour avoir des pizzas sphériques? Ah non, ça c'est la télécommande multiverselle. Et vous en avez? On n'a pas encore été livré. Honnêtement, ça va plus vite de la commander sur Amazon. La télécommande multiverselle permettait de passer d'une réalité à l'autre. Les gens qui regardaient la télévision comprirent tout de suite pourquoi c'était intéressant. Et ceux qui avaient du mal avec la réalité aussi. Le carnet de commandes fut vite archi plein. La télécommande multiverselle, enfin. Oh, flûte! Les piles ne sont pas incluses. Avec ça, deux piles LR14, vite! Votre commande est enregistrée. Alors c'est pour aujourd'hui ou pas? Ah ben c'est pas trop tôt. Une fois mise en service, la télécommande ne demandait que quelques secondes de prise en main. C'était assez facile. Elle comportait un seul bouton permettant d'accomplir une seule action. Zapper. Ouais, pas mal. Ah, sympa. Non, trop froid. Bonjour, c'est pour une personne? Bonjour, vous servez de la pizza sphérique ici? De la quoi? Ah merde, non ben rien. La télécommande était sortie à l'époque de Noël. Ça permit de sortir d'une période compliquée. Qui avait duré environ 7 ans. Pendant laquelle tout le monde s'offrait systématiquement des BD de Fab Caro. Oh, zaï. Tu verras, j'ai trop pensé à toi. Oh, zaï également, trop bien. Zaï. Il y eut une période d'expérimentation. Pendant laquelle chacun testait les possibilités infinies du dispositif. Tu as vu? Dans cet univers, pour 150€, on peut acheter tout Fab Caro sur Amazon. Tu veux dire les BD de Fab Caro? Non. Alors tu veux dire les romans de Fab Caro? Non. Alors tu veux dire les adaptations au cinéma, au théâtre ou en jeu vidéo des romans, BD et œuvres de Fab Caro dans divers formats et supports? Non, je parle de Fab Caro lui-même. Regarde. Salut. Et puis assez vite, on circonscrivit le véritable usage de cet engin. Bonjour. Vous avez... Une télécommande multiverselle. Oui, enfin, un machin pour quitter les conversations chiantes. Oui, c'est ça. Vous voulez noir mat ou chrome et prestige? Noir mat. Il vous faut des piles? Oui, c'est pour utiliser tout de suite. J'arrive. Quelques Glucksmann ici et là s'étaient fendus d'éditoriaux et de billets dénonçant le paroxysme de la civilisation du zapping. De notre éternelle insatisfaction. Et de notre compulsion à désirer toujours autre chose. Mais ils n'avaient pas entièrement raison. Ah bon? Car en l'occurrence, il s'agissait moins d'une culture du zapping que d'une culture de la fuite. Oui. Bonjour André, vous êtes mon père biologique, j'ai retrouvé votre trace grâce à Internet et ces gens avec moi sont une équipe de tournage de TF1. On peut entrer? Bonjour monsieur. Oui, naturellement. Attendez juste un petit instant. Où est-ce que je l'ai foutu? Eh mais... Ah, là voilà. Attendez, qu'est-ce que vous... Non. Oh, Et on avait, semble-t-il, de plus en plus de choses à fuir. Excuse-moi, j'avais une course à faire vite fait. Oui, tu me parlais de ton projet de podcast. Oui, donc je te disais, en fait, l'idée c'est d'aller à la rencontre de moi et de mes racines, ouais. Tout en interrogeant la place de la société en fait autour de moi. Mmh. Et tiens, j'ai un portable sans écran avec un seul bouton. Pourquoi faire ? Ben ça valait largement 800 euros. Mais une fois qu'on avait commencé... On ne tardait pas à réaliser que fuir... était extrêmement addictif. Bonjour monsieur, je peux vous parler des orang-outans ? Et non ! Ah, tu es là. J'aimerais bien qu'on ait cette discussion sur les enfants parce non, que... merci. Bonjour, je peux vous parler du programme de Fab Caro pour les présidentielles ? Non plus. La première fois qu'on voyait quelqu'un se dématérialiser devant soi au cours d'une conversation... C'était un peu vexant. Et là, tu vois, alors que je lui parlais de mon projet de podcast et qu'elle avait l'air super intéressée, c'est un truc de malade. Elle sort une espèce de télécommande et elle se téléporte dans une dimension parallèle. Non mais tu le vis ? Ah ouais, ouais, il y a de plus en plus de gens qui font ça. Ouais, ouais, ouais. Excuse-moi, j'ai un double appel. Hein ? Mais on n'est pas au téléphone ? À ce moment, la conversation prend un tour différent. Et oui. Mon invité vient de se téléporter à bon, son... Bon, ça suffit. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu vas zapper alors qu'on est tranquille à la maison ? Ouais, moi, désolé, c'est pas toi. C'est ce podcast que j'écoute qui est insupportable. Bah, t'as qu'à arrêter. Ah ouais, t'as raison. Mais il faut savoir, c'est marrant, j'ai plus de réflexe. Mais quand ça vous était arrivé une fois, deux fois... Vous finissiez par vous rendre à l'évidence et vous passiez à la télécommande, vous aussi. Ah, ben ça y est, tu t'en as acheté une. Bah ouais, tu vois, à force de me faire planter au milieu de mes phrases, j'en ai eu marre. Donc maintenant, quand ça m'arrive, je zappe jusqu'à retomber sur la personne. Et alors, ça marche ? Ouais, mais ça met du temps. Là, par exemple, ça fait 2 semaines que je te cherche. Hop, hop, hop, pas un geste vers ton sac. Tu vas écouter mon histoire jusqu'au bout. Donc, mes racines. Mmh. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que je suis née en France. Mais au bout d'un moment, n'importe quelle rencontre entre deux personnes était un duel à qui dégainerait le plus vite sa télécommande. C'était la version moderne de quand on se croisait dans les transports et qu'on faisait semblant de ne pas se voir. Oh, salut ! Hey, comment tu vas ? Super, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Oui, carrément. Ouais. Oh, il m'a encore grillé. Faut vraiment garder la main sur le bouton, en fait. Je parle français, mais j'ai une double culture ! En 2048, comme c'était à craindre... Tout le monde finit par se rejoindre dans une même réalité parallèle. Où chacun irait sans but avec une télécommande à la main. Bonjour, je peux vous parler de la gare au Yémen ? Oui, bien sûr, attendez. Une seconde. Ah tiens, encore un. Bonjour. Salut. C'était la réalité ultime. Une fois qu'on y était, la télécommande ne marchait plus. C'est-à-dire qu'elle renvoyait au même univers une seconde plus tôt. Donc on pouvait tout au plus faire passer le temps un peu moins vite. Vous avez lu le dernier Fab Caro ? Oui, et vous ? Mais ça faisait mal aux pouces. Et puis ça vidait les batteries très rapidement. Il fallut s'y résoudre. L'humanité s'était piégée elle-même au fond du multivers. Dans le dernier univers envisageable. La voie sans issue où aboutissaient tous les possibles. On n'est pas si mal aux confins de la réalité. Bien sûr, les gens continuent de souffrir des BD de Fab Caro. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas de toute façon. Dans n'importe quelle réalité. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être pire. Tiens, tu l'as lu celle-là ? Oui, bien sûr. Moi aussi, j'adore, c'est tellement décalé. Oui, c'est trop marrant. Oui. C'était La Préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Avec Grégoire Boja, Bernadette Le Sachet, Benjamin Vanvermeer, Charlotte Cormont, Daniel Berlioz, Manon Coux, Grégoire Tachnakian, Laure Babled, Samuel Charles, Dominique Valadier, François Chateau, Adrienne Vigning, et les voix de Thierry Garcia, Fab Caro, Clémence Bûcher. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Manon Dubus et Anissa Zidna. Réalisation, Benjamin Habitant.